Chapitre 11. Ce que j'aime par-dessus tout en Gwendalavir, outre la salade de champignons, c'est l'inutilité du mot impossible. Merwin rit la vallonne. Camille rampa sur une dizaine de mètres avant de retrouver les autres. Il l'attendait près d'un puits obscur qui s'ouvrait dans une grotte au plafond élevé. Maître Douaume avait créé une flamme qui dansait au bout de ses doigts. Edwin, qui scrutait l'ouverture à ses pieds, intervint. Alpaul sera éclairée. Ceux qui l'ont dessinée ont prévu qu'elle ne resterait jamais dans l'ombre. Allons-y maintenant. La descente est périlleuse, il va falloir être très prudent. Pourquoi ne pas nous assurer ? Proposa Salim. Parce que ce puits est profond d'au moins 50 mètres et que nous ne disposons pas de cordes assez longues. Salim saisit son sac à dos. Il en sortit un filin qui brilla doucement à la lueur de la flamme. « Le fil d'Ulm !» s'exclama Elana. « Je n'y pensais plus. Tu es génial !» Salim se rengorgea, mais l'absence de Bjorn lui ôta l'envie de plaisanter. Edwin connaissait les propriétés remarquables de l'objet. Il le prit et fit une boucle à son extrémité. Puis, il se tourna vers Maître Douaume. « Tu descends le premier !» lança-t-il. « Ne proteste pas, ce n'est pas un cadeau, au contraire. N'importe quoi peut t'attendre en bas. Tire plusieurs fois sur la corde quand tu seras arrivé. » L'analyste hocha la tête en silence. Avec une vigueur qu'on ne lui soupçonnait pas, il saisit la corde qu'Edwin avait fermement agrippée, passa la boucle autour de sa taille et se plaça face à la paroi. Le maître d'armes déroula lentement le fil d'Ulm et Maître Douaume disparut dans l'obscurité. À la grande surprise de Camille, la quantité de filin disponible ne variait pas. La bobine posée sur le sol était toujours aussi épaisse. Maître Douaume signala son arrivée. Edwin remonta la corde et Artis s'enfonça dans le puits. « Ensuite, ce sera ton tour », indiqua le maître d'armes à Elana. « Et toi ? » rétorqua-t-elle. « Comment comptes-tu t'y prendre ? » ?»« Je me débrouillerai. De toute façon, je suis trop lourd pour que vous m'assuriez. Dans ce cas, je reste avec toi. Nous descendrons ensemble. » Des bruits de combat parvinrent jusqu'à eux, provenant de l'extérieur. Edwin, inquiet, acquiesça. « C'est donc au tour de Salim. Accélérons !» Le garçon saisit la boucle qui venait d'apparaître et Edwin le précipita sans ménagement dans le vide. Il eut juste le temps de pousser un cri de stupeur. Déjà Artis et Maître Douaume l'aidaient à se détacher. Camille ne tarda pas à les rejoindre. Il se trouva à l'entrée d'un boyau juste assez haut pour qu'il se tienne debout. À son extrémité, on distingua une pâle lueur. Au-dessus d'eux, retentit soudain un bruit et une pierre grosse comme un ballon tomba au pied de Salim. Edwin, encore invisible, poussa un affreux juron. « Et de deux !» lança Elana. « Sans moi, tu t'écrasais en bas !» Salim jeta un regard étonné à Camille. « Et de deux ?» demanda-t-il. « J'ai raté un épisode ?» Son ami ne répondit pas. Le maître d'armes et la marche sombre les rejoignirent. Un sourire barrait le visage de la jeune femme et Edwin poussa un grognement désabusé. Il tendit le fil d'Ulm à Salim et s'avança dans le passage. « Dépêchons-nous » marmonna-t-il. Alpaul, à sa manière, était presque aussi belle qu'Aldjet. La ville se dressait dans une grotte aux dimensions incroyables. Dans une claire lumière sans source précise, qui mettait en valeur le moindre relief, une multitude de tours s'élançait vers la voûte rocheuse. Elles étaient taillées dans la pierre, chacune différente, chacune extraordinaire de proportions et d'audace. Le sol était constitué d'une unique dalle de marbre vitrifiée et les pas des compagnons résonnèrent longuement dans le silence total. Edwin désigna une vaste construction surmontée d'un dôme. « L'Académie des dessinateurs, n'est-ce pas, Douaume ?»« Oui. Si les figés sont à Alpaul, il y a des chances que nous les trouvions là. » Le cœur de Camille s'emballa. Il touchait au but. Edwin les guida à travers un des dalles d'avenue qui courait entre les tours, jusqu'au moment où un gouffre apparut devant eux. Il barrait la ville en deux comme un gigantesque coup de rasoir et, large de 100 mètres, s'enfonçait verticalement dans des ténèbres absolues. Une dizaine de ponts le franchissaient en d'harmonieuses courbes qui leur rappelèrent l'arche sur le polymage. Ils se hâtèrent vers le plus proche. Ils l'avaient presque atteint lorsque Camille sentit la sphère grave tressauter dans sa poche. La seule fois où ce phénomène s'était produit, c'était quand... Elle poussa un cri d'alerte. Edwin et Elana pivotèrent tandis que Salim bondissait vers elle. À une vingtaine de pas, quatre autres silhouettes dressaient leurs silencieuses et mortelles menaces. Des Tzlish. Camille voulut parler, mais le pouvoir des créatures l'atteignit de plein fouet. Un froid intense la saisit, qui lui rappela cruellement sa rencontre avec la goule. Ses muscles se figèrent, son esprit vacilla. Dans la douleur qui déferlait sur elle, Camille comprit cependant que la situation était différente. Elle avait affaire cette fois à un dessein. Elle n'était pas impuissante. Elle jeta toutes ses forces dans la bataille. Sa volonté frappa comme une masse le vouloir des Tzlish, et alors que la douleur refluait, elle retrouva sa liberté de mouvement. Elle était prête à réagir à l'émergence d'un objet dans la réalité, mais rien ne se matérialisa. Les Tzlish utilisaient leur pouvoir brut comme une arme. Ils frappèrent une nouvelle fois, et Camille serra les dents. Son front s'emperla de sueur, elle avait mal à en crier. Elle luttait pour conserver la maîtrise de son corps et de son esprit, comme si les quatre monstres tentaient de... Les Tzlish les figeaient. C'était donc ainsi qu'ils s'y prenaient. Déjà à côté d'elle, ses compagnons ne bougeaient plus. Seul Salim, cramponné à son bras, était préservé. Il bénéficiait de la barrière de protection qu'instinctivement, elle avait dressée autour d'elle. Cette découverte lui redonna du courage et elle raffermit sa volonté. La pression des Tzlish sur son esprit était énorme, mais elle réussissait à la contenir. Elle plongea au fond d'elle-même pour en ramener la moindre parcelle de pouvoir et lentement repoussa l'assaut. La haine des créatures la frappait en vagues dévastatrices, mais elle résista. Elle pouvait presque voir un mur d'énergie scintiller à quelques centimètres d'elle. Puis soudain, le dessin explosa. Camille se sentit libre. Près d'elle, Salim frissonna. Les autres, stoppés net en plein mouvement, restèrent immobiles. Les Tzlish firent un pas en avant, et en apercevant leur monstrueuse lame osseuse croisée devant leur torse d'insecte, Camille se mit à trembler. Elle se préparait à se lancer dans les spires pour un combat terrible, quand le bruit bien connu d'un sabre quittant son fourreau la fit sursauter. « Vous allez devoir continuer seule !» articula Edwin. « Mais tu... » Le maître d'armes jeta un regard au Tzlish qui s'était arrêté et se permit un sourire. « Je suis un frontalier, un fils de Merwin !» lança-t-il. « Pourquoi crois-tu que les frères de ces lézards sont venus mourir sur ma lame dans la forêt de Barahil au lieu d'utiliser leur pouvoir ? Leurs desseins sont sans effet sur ceux de mon sang. » Et ils le savent. Allez, filez maintenant !»« Mais c'est impossible !» protesta Camille. « Tu ne peux pas lutter seule !»« Fais ce que tu as à faire, Ewilan, et laisse-moi m'occuper des Tzlish. Il te reste le gardien, ne l'oublie pas. Tu seras seule pour l'affronter. Sois dit sans te vexer, Salim. » Camille expira longuement et fit un pas en arrière. Edwin reporta son attention sur les Tzlish. Près de lui, Elana, Artis et Maître Duhom étaient immobiles, leurs traits figés dans une expression de douloureuse surprise. Camille s'approcha de nouveau. Le maître d'armes lui jeta un regard inquiet, mais elle le rassura d'un geste avant de se propulser dans les spires. Elle savait exactement ce qu'elle voulait, et cela ne lui prit que quelques secondes. Elle saisit ensuite la main de Salim et l'entraîna vers le pont au-dessus du gouffre. « Au revoir !» lança-t-elle à Edwin. Le maître d'armes ne répondit pas. Il était entièrement concentré sur l'affrontement à venir et tenait, pointé devant lui, le plus beau sabre qu'il ait eu l'occasion de voir. Un équilibre parfait, un poids idéal, un fil qu'il savait aiguiser pour l'éternité. Un dessin de Camille.